Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur la voie du milieu qui vous amène aujourd'hui en direction de la vie du Bouddha. Avec, pour commencer, le rêve que la mère du Bouddha, Maya, fit d'un éléphant à six cornes qui vient la féconder. Nani ? Maya ? Maya ? Vous êtes rentrée ? Alors, ce qu'on m'a dit est vrai ? Oui. Je vais vous raconter le rêve que j'ai fait. J'ai rencontré un éléphant blanc à six défenses, majestueux. J'étais couchée sur le sol devant lui quand il est entré en moi. C'était un rêve pour le moins étrange. Oui, et les animaux de la forêt ont dû le sentir. Eux aussi, on dirait qu'ils attendent impatiemment quelque chose. Ils se sont réunis autour de moi. Absolument tout ce qui est doté de vie en ce monde a réagi. Il faut croire qu'ils célébraient cet événement. Regarde, la saison sèche est proche. Pourtant, le fleuve n'a pas du tout l'air de s'assécher. Vous devez avoir raison. Les cieux ne nous ont pas fait ce cadeau par hasard. Ils nous réservent sûrement une vie grandiose remplie de joie et de merveilles. J'ai un bon pressentiment. Quand il grandira, cet enfant apportera un bien des plus fabuleux au monde dans lequel nous vivons. Il accomplira de très grandes choses. Avant de parler de la vie merveilleuse du Bouddha, telle qu'on la raconte dans les livres saints de l'Asie, il convient de tracer quelques traits de cet homme extraordinaire et de donner un bref aperçu de ce qu'il apporta à l'humanité. Nous allons ainsi parler du plus grand philosophe que sans doute l'humanité ait connu. Tout ce que d'éminents penseurs nous enseignent aujourd'hui, ce sage l'a donné au monde il y a 23 siècles. Bonjour Marc Balenfin. Bonjour Adèle Vonnerette. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. C'est toujours un plaisir de venir. Est-ce que vous souscrivez à cette affirmation de Monsieur Percheron, Bouddha serait le plus grand philosophe et c'est de lui que nous tenons tout ce que nous savons aujourd'hui? Bon, les superlatifs, disons qu'on est, sont peut-être déplacés dans ce domaine, mais il est certainement dans l'Antiquité l'un des grands philosophes et sages, oui, qui ont apporté un message et qui reste d'une universalité actuelle. Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, traducteur de textes sanskrits, spécialiste des philosophies des philosophes de l'Inde ancienne, et vous êtes l'auteur d'un texte que vous avez établi qui s'appelle Bouddha autobiographie au pluriel, dans lequel vous jouez avec la notion même de récit de soi. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, si c'est, vous écrivez un texte sur Bouddha que vous appelez autobiographie, que vous êtes un Bouddha en puissance? C'est-à-dire que c'est ce que développeront un certain nombre de philosophes du grand véhicule, le Mahayana. Je dirais que l'essence de la bouddhéité est en chaque être humain. Donc nous sommes potentiellement, chacun de nous, disposés et destinés à un jour à l'éveil. À condition que les circonstances s'y prêtent, que nous fassions aussi un certain effort sur nous-mêmes. Mais l'idée selon laquelle il y aurait un germe de Bouddha en chaque être, c'est une idée qui sera développée par, effectivement, les grands philosophes du grand véhicule, ce qu'on appelle la philosophie du grand véhicule. Et donc le Mahayana. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle non pas de Bouddha, mais du Bouddha. En fait, on dit le Bouddha. On dit le Bouddha, absolument. C'est-à-dire, c'est l'être qui, au VIe siècle avant notre ère, a atteint l'éveil. Parmi toute une série d'êtres qui, avant lui, dans des cycles du monde antérieur et sans nombre, ont atteint eux-mêmes à leur manière cet éveil. Donc ce n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Donc ce n'est pas le seul, absolument. Et ça ne sera pas le dernier, puisqu'on parle donc du prochain Bouddha qui serait le Maitreya Buddha, en quelque sorte un messie entre guillemets du bouddhisme, mais dont on ne peut rien dire pour l'instant, puisque les circonstances ne s'y prêtent pas. Qu'est-ce que ça veut dire Bouddha ? Alors Bouddha, ça signifie donc éveillé, littéralement éveillé. C'est-à-dire que c'est le participe passé du verbe Bouddh, qui signifie s'éveiller. Donc Bouddha, c'est celui qui a atteint l'éveil. Voilà. Alors pourquoi parmi tous ces Bouddhas parle-t-on souvent, quand on parle de Bouddha, du même Bouddha? Qu'a-t-il de plus que les autres? Celui qui appartient donc à notre monde, le Bouddha historique, le Gautama Bouddha, on en parle parce qu'il y a un certain nombre effectivement de monuments, de textes anciens qui sont tous d'accord pour dire qu'il s'est passé quelque chose. À un moment, on en reparlera tout à l'heure, effectivement, ce moment n'est pas n'importe quel moment. Je pense que ça a été important dans l'histoire de la civilisation humaine. Alors, on peut dire tout de suite que c'est un moment que Karl Jaspers appelle Axenzeit, la période axiale. Alors, il prétend, alors même si son hypothèse a été très contestée, très débattue, il me semble qu'elle paraît intéressante, il prétend qu'entre entre le 8e siècle avant notre ère et à peu près, je dirais, le 2e siècle avant notre ère, en différents points du globe, qui vont de la Grèce en passant par la Palestine, l'Inde, la Chine et la Perse, a eu lieu un reversement de perspectives religieuses et philosophiques qu'il appelle la période axiale et qui se marque en Inde très précisément par l'apparition du Bouddha. On a envie d'en savoir plus. De quel renversement s'agit-il ? Ce renversement, ça sera repris d'ailleurs complètement par Marcel Gauchet dans son livre « Des enchantements du monde », bien que Marcel Gauchet ne cite pas du tout Karl Jaspers. C'est l'idée que nous passons d'un monde saturé de religieux, c'est-à-dire un monde où ce sont les dieux qui gouvernent, parce qu'ils sont parmi les hommes, parce qu'on est dans l'immanence absolue, à un monde où, que Marcel Gauchet appellera la sortie du religieux, où l'homme a à sa disposition un certain nombre de choses à faire. C'est-à-dire où tout n'est plus dirigé par les dieux, où l'homme a une libération à accomplir. Et ça, en Inde, c'est proprement le Bouddha qui sera le messager de ce message. Donc le bouddhisme serait le signe de la sortie hors de la religion ? Oui. Donc le bouddhisme n'est pas une religion pour vous ? Je dirais que moi, je reprendrais l'expression de Max Weber hein, dans hindouisme et bouddhisme. Max Weber dit que le bouddhisme n'est ni un art, ni une religion. Il dit que c'est un art, entre guillemets, religieux. C'est-à-dire que c'est une manière de vivre religieuse, mais qui ne signifie pas nécessairement qu'on est dans un monde où les dieux sont présents, puisque précisément, alors là je pense que à peu près tous les indianistes sont d'accord pour dire que le bouddhisme ancien, en tout cas le bouddhisme du Bouddha, n'a pas besoin des dieux. En tout cas est très très agnostique par rapport à la question des dieux. Vous pratiquez vous-même ? Le bouddhisme ? Oui. Non, je ne pratique pas le bouddhisme. Donc c'est d'un point de vue théorique que vous vous intéressez. Oui, absolument. Tout commence par un rêve. Ce rêve qui a ouvert cette émission, un extrait du Grand Départ, c'est un dessin animé qui raconte la vie de Bouddha, un dessin animé japonais, c'est signe prémonitoire qu'a la mère du Bouddha qui... Alors, est-ce que ce rêve dit la vérité, enfin la vérité du corpus bouddhique, Marc Balanfa, Bouddha naît de la fécondation de sa mère par un éléphant à 6 défenses. Oui. Alors ça, c'est évidemment, il y a tout un aspect symbolique à cette image de l'éléphant blanc. Ce qui est très intéressant dans la vie du Bouddha, c'est que, ça c'est Alfred Fouché qui l'a montré en 1949, c'est qu'il y a à la fois les textes et les monuments qui sont vraiment pour nous une source inépuisable de conjonctions et d'accords sur la vie du Bouddha. C'est-à-dire que, par exemple, si on va à Borobudur, il y a énormément de bas-reliefs qui parlent par exemple de cet épisode. Où est Borobudur, où se trouve ? À Java. Et... on trouve ça aussi dans les textes pali les plus anciens, hein, le Lalita Vistara par exemple. C'est l'idée que dans l'imaginaire indien de cette époque, un monarque d'abord doit avoir un éléphant blanc. Parce que l'éléphant blanc, c'est l'emblème, si vous voulez, de la richesse, de l'ambition, de la force, mais d'une force douce. Justement, ce n'est pas le symbole de la violence, mais c'est le symbole de la force, je dirais, placide. Tranquille. Éléphant blanc, tranquille. Comme dirait l'autre. Voilà, exactement. Et donc, derrière ce rêve, il y a vraiment l'idée que, et ça c'est toute l'ambiguïté du Bouddha au départ, c'est qu'il est destiné à une grande chose, mais on ne sait pas à quoi. Et toute l'hésitation va être sur, est-ce qu'il est destiné à devenir un monarque universel, une espèce d'empereur, ou est-ce qu'il est destiné à devenir plutôt un philosophe universel ? Son père, en fait, va se tromper. Son père va croire que, vraiment, sans nul doute, sa vie est de prendre sa succession et de devenir le plus grand monarque de l'Inde. En réalité, on va comprendre que ce n'est pas du tout la voie que va choisir le Bouddha. Il va plutôt choisir la voie de la philosophie, d'être le plus grand messager de la sagesse de son époque. Mais cette ambiguïté ou cette ambivalence, elle est parfaitement signifiée par l'éléphant blanc. Parce qu'un éléphant blanc, voilà, on sait qu'il va se passer quelque chose de grand, mais on ne sait pas quoi. La fécondation de la mère de Bouddha est étrange, sa naissance aussi. Il naît par le flanc. Alors ça, la mère qui s'accroche à la branche d'un arbre. C'est la façon dont les Indiennes accouchaient à cette époque. Hein. Ça se fait même encore aujourd'hui dans le monde. On s'accrochait à des branches et donc on laissait donc le fœtus partir donc vers le bas. Mais par le flanc, dit le texte. Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs textes. Alors, il y a plusieurs textes, effectivement. Là aussi, les textes ne sont pas toujours en accord. Par le flanc ou bien par le bas. En tout cas, il y a l'idée... au fond, d'une espèce d'immaculée conception, en fait. C'est quand ça. Même. Ouais. Elle est un peu la Vierge, hein, la Maya. Mmh. Mais alors, il faut aussi se rappeler que Maya, c'est aussi la magie. Hein, sa mère, donc, s'appelle la magie. Ou l'illusion. Schopenhauer parle du voile exactement, de Maya. Exactement. C'est la magie, c'est l'illusion. C'est-à-dire que, au fond, peu importe la façon dont il apparaît, il est clair qu'il ne peut pas apparaître comme un être humain ordinaire, puisqu'il est destiné à faire de très grandes choses. Il faut bien que quelque chose, dès sa naissance, le mette à l'écart et le démarque du commun des mortels. Mais ça pose quand même la question du statut de Bouddha par rapport aux êtres humains. Il n'est pas vraiment comme nous, puisqu'il a été fécondé de manière différente que nous autres. C'est pas non plus un dieu, c'est pas l'incarnation d'un dieu, c'est pas un Jésus-Christ en fait. Déjà parce qu'il y en a plusieurs, comme si Jésus-Christ se réincarnait à l'infini. Alors quel est ce statut? Alors ce statut, c'est vrai que c'est une difficulté, parce que tout à l'heure je parlais du Mahayana. On voit très bien que dans la philosophie du grand véhicule, on va assister peu à peu au fil des siècles à une divinisation du Bouddha. Au contraire, il y a toute l'école du petit véhicule, Hinayana, c'est-à-dire l'école de Sri Lanka, du sud-est asiatique, qui, elle, refuse cette divinisation du Bouddha et qui continue à dire que le Bouddha n'est qu'un homme. Un homme sans doute pourvu de pouvoirs extraordinaires, mais si vous voulez, dans l'Inde du 6e siècle avant notre ère, que certains hommes puissent disposer de pouvoirs extraordinaires, ça n'avait justement rien d'extraordinaire. On considérait même que, par exemple, des ascètes pouvaient, grâce à leur tapas personnel, grâce à leur ascétisme personnel, acquérir des pouvoirs supranormaux. C'était un peu dans des croyances religieuses qui étaient assez communes à cette époque. Mais je pense que quand même, il faut retenir l'idée que Bouddha, effectivement, n'est pas un dieu. Et qu'est-ce qui le montre très bien? C'est un épisode qui va se situer juste après la nuit de l'illumination, dont on parlera tout à l'heure, la nuit où il devient le Bouddha. C'est quand il va le prendre la terre à témoin. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que il dit « la terre est de mon côté ». Et quand il dit « la terre est de mon côté », ça veut dire « je suis bien un terrestre comme les autres. Je ne suis pas un être divin ». Alors peut-être que certains pourraient croire que j'ai une ascendance divine. En réalité, je suis bien un être de la terre. Et pourtant, à peine le corps de Bouddha sort-il du ventre de sa mère qu'il se met à marcher. La famille du futur Bouddha appartenait à la tribu des Sakya. Dans la vallée de Katmandou, au Népal, se trouve encore une tribu bouddhiste qui s'appelle les Sakya. Depuis des milliers d'années, leurs conteurs transmettent l'histoire de Siddhartha. Tout juste après la naissance de Siddhartha, une chose incroyable est arrivée. Le nouveau-né a commencé à marcher. Il a marché 7 pas. Et chaque fois qu'il posait son pied, apparaissait une fleur de lotus. Il a marché de fleur en fleur. Elles apparaissaient spontanément. 7 fleurs de lotus. Marchant de lotus en lotus, levant son doigt et se tenant face au levant, le Seigneur a déclaré « Je suis né pour l'éveil, pour le bien du monde. Dans cette existence terrestre, ceci sera ma dernière vie. » Vous écoutez France Culture et les chemins de la philosophie. Vous venez d'assister au premier pas du Bouddha qui sort du ventre de sa mère et qui se met à marcher. La voix qu'on entendait est celle d'un conteur népalais, Marc Balanfa, issu de la tribu des Shakya, qui serait un des descendants de la tribu de Bouddha. Difficile à croire que, bon, vraisemblable ou pas, c'est même pas la question. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment il en parle. La façon qu'il a de parler de Bouddha, de sa réincarnation, il parle même du Seigneur. C'est un discours aux tonalités quasiment catholiques, c'est ça qui est surprenant. Comme un messie qui vient nous sauver sur la terre. Bah évidemment, là, on est dans la géographie rétrospective, hein, parce que là, probablement qu'il s'inspire du texte dont je parlais tout à l'heure, le Lalita Vistara, qui est du 3e siècle de notre ère. C'est le premier grand texte qui, effectivement, raconte toute la vie du Bouddha, hein, puisque Lalita Vistara signifie l'étendue des jeux du Bouddha. Ici, ce qui est intéressant, c'est la symbolique du 7, parce qu'elle va se répéter très, très souvent dans toute la vie du Bouddha. Le 7 est le chiffre emblématique du Bouddha. Alors, pour une raison que j'ignore personnellement, je ne sais pas si quelqu'un a trouvé une raison, mais il est clair que ce nombre 7 revient tout le temps dans la vie du Bouddha. Donc c'est les 7 pas. Ensuite, quand un naga, un serpent va le protéger de la tempête, il va s'enrouler 7 fois autour de lui. Enfin, ce nombre 7 revient en permanence. Là, on est dans la symbolique. Une symbolique qui ne se rattache pas véritablement à la culture indienne, parce que dans la culture indienne, c'est plutôt le chiffre 4 qui est emblématique ou symbolique. Mais en tout cas, on voit bien que le 7 va devenir le chiffre du Bouddha, à partir des 7 pas. si on suit voilà, les sept pas du Bouddha, il grandit. Alors, il passe son enfance dans son palais. Il a tout ce dont il a besoin. Oui, et ce n'est qu'à un moment où il sort plus tard qu'il va découvrir sa vraie voie pendant son enfance. Sept jours après sa naissance, sa mère meurt. Sept jours, Maya. Et il va être pris en charge par sa tante pendant sept ans. Qu'il élève comme son fils. Qu'il élève comme son fils, oui. Et il sera ensuite pris en charge par son père, qui va commencer à le faire éduquer par des brahmanes, voilà, jusqu'à son mariage à 16 ans. Donc à partir de quel moment est-ce qu'il a une forme de révélation, il se rend compte de la voie qu'il voudrait suivre et qui ne correspond pas du tout à la vie qu'il est en train de mener? Ça va venir beaucoup plus tard, c'est-à-dire ça vient à partir du moment où il commence à recevoir cette instruction, effectivement. Alors racontez-nous comment ça se passe. Alors, l'instruction qu'on reçoit à l'époque, qu'un prince reçoit au 6e siècle avant notre ère, c'est à la fois donc dans les matières scientifiques, dans les matières philosophiques, dans les matières religieuses, dans la grammaire qui est considérée vraiment comme la science de la rigueur. Donc il suit tout cet enseignement. Il entre très vite dans la maîtrise de toutes ces disciplines, à la grande admiration, il utilise les textes donc de ses enseignants. Mais il se passe quelque chose. Il se passe le fait que le Bouddha commence à réfléchir sur ce que son père veut faire de lui. Il a bien compris que son père veut le faire succéder. Et il sent bien qu'il n'est pas destiné à cela. Donc, et peu à peu, les textes là ne sont pas très précis par rapport à ça. Il faudra attendre les quatre sorties pour que les choses se précisent. Tant qu'il n'est pas arrivé à sortir de son palais, on peut dire que le Bouddha, reste encore sous la dépendance de son père. C'est-à-dire qu'il reste encore soumis à la volonté de son père. Tant qu'il n'a pas véritablement l'assurance qu'une autre vie, pour lui, est possible. C'est aussi le récit d'un affranchissement d'un fils envers son père. C'est très intéressant cette idée que son père, en fait, veut son bonheur, mais voulant son bonheur, il l'enferme dans son palais et lui interdit toute sortie, parce qu'il sait très bien que s'il sort, il va effectivement découvrir la vieillesse, la maladie, la mort, hein, donc ce triptyque qui va effectivement conduire le Bouddha sur la voie du renoncement. Donc, il lui procure, on dirait aujourd'hui, tous les plaisirs que pouvait receler la vie à cette époque, aussi bien du côté des femmes, du côté de la vie sexuelle, du côté de la musique, du côté de l'art. Voilà. Il fait de son palais une très belle cage dorée dans laquelle il enferme son fils. Mmh. Et il s'imagine que son fils va se contenter de cette vie-là. En même temps, il a bien le pressentiment que son fils n'est pas pleinement satisfait. Le jeune Bouddha, qui n'en est pas encore un, qui s'appelle Siddhartha, n'est-ce pas, va quitter son palais et l'opulence qui accompagne ce palais un jour alors qu'il a 14 ans. Et au moment de cette sortie, il va faire quatre rencontres décisives, on appelle ça soit les quatre visions, les quatre sorties, qui vont donner une nouvelle orientation à sa vie. Voici le récit de ces quatre visions qui sont chacune incarnées par un personnage différent. Quand le Bodhisattva eut 14 ans, il fit atteler son char pour aller se promener et il sortit par la porte orientale de la ville. Il vit par hasard un vieillard à la tête blanche, au dos voûté, qui, appuyé sur un bâton, marchait avec peine. « Quel est cet homme ?»« C'est un vieillard. »« Et qu'appelle-t-on un vieillard » demanda-t-il. Il a vécu de nombreuses années, ses facultés déclinent, son aspect a changé et son teint s'est altéré. Quand il est assis, il lui est pénible de se lever. Il lui reste très peu de vitalité. Échapperai-je moi-même à ce sort? Pas encore. Plus tard, le Bodhisattva ordonna de nouveau à son cocher d'atteler son char pour aller se promener et il sortit par la porte méridionale de la ville. Il vit alors, par hasard, un malade dont le corps était maigre et faible et qui, appuyé contre une porte, respirait avec peine. « Échapperai-je moi-même à ce sort ? » demanda-t-il. « Pas encore. » En sortant par la porte occidentale de la ville, cette fois, il vit par hasard un mort qui, porté par des hommes, était suivi par ses parents affligés et gémissants. Il posa alors la même question. Et, pensant qu'il n'était pas encore libéré des lois de la vieillesse, de la maladie et de la mort, il fut encore plus triste. Aussitôt, il fit faire demi-tour à l'attelage pour rentrer et vit par hasard un homme dont les cheveux et la barbe étaient rasés, qui portait le vêtement de la loi monastique, tenait un bol à la main et marchait en regardant le sol. Il demanda à son cocher « Quel est cet homme ?» On lui répondit « Un religieux errant, qui sait bien dompter lui-même, à des manières dignes et se conduit toujours avec patience et compassion envers les êtres. » Alors, quand le bodhisattva eut entendu cela, il s'écria trois fois « Très bien !» Et ayant réfléchi à cela, il devint joyeux. Un vieillard, un malade, un mort et un religieux errant, Marc Balanfa, au moment où le futur Bouddha quitte son palais, c'est une naissance, peut-être à lui-même, il choisit sa voie, mais surtout au monde. Il découvre de quoi le monde est fait et de quoi la vie humaine est faite. Absolument, oui. Moi, ces quatre sorties, chaque fois que j'ai l'occasion de lire différentes versions de ces quatre sorties, je suis toujours assez émerveillé par la simplicité avec laquelle, au fond, elle dit quelque chose de terriblement profond sur la condition humaine, parce qu'effectivement, c'est bien ce qu'est la condition humaine, sur ce qu'on pourrait presque appeler un roman d'apprentissage, comment il passe de la vieillesse au moine renonçant, comment tout cela décrit une espèce donc d'éveil progressif à la vérité qui est cachée dans la condition humaine, et comment... En fait, c'est ce qui va effectivement le décider à partir et à comprendre que son père, en fait, avait volontairement tout fait pour lui cacher la vérité et pour donc l'empêcher d'accéder à lui-même. Parce qu'en même temps, en découvrant ces quatre, en faisant ces quatre sorties, il accède à ce qu'il est destiné à être, c'est-à-dire lui-même donc le plus grand des renonçants de son époque. Parce que la dernière personne qu'il croise, celui qui dans le texte est qualifié de religieux errant, c'est oui. Un renonçant, c'est ce que va renonçant. Devenir. C'est ce qu'on appellera un bhikshu en sanskrit, hein, c'est-à-dire le moine mendiant errant, dont il va faire partie, puisqu'il y avait des confréries entières rassemblant des centaines et des centaines de moines errants dans l'Inde de cette époque. Il faut essayer de se représenter ce que pouvait être le contexte. Il y avait des quantités innombrables de ces confréries, donc de mendiants, un peu partout, donc dans le bassin moyen du Gange, hein, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Inde. Et le Bouddha va passer comme ça d'une confrérie à une autre en essayant d'apprendre l'essentiel de l'enseignement jusqu'à découvrir par lui-même ce qu'est sa vérité, ou en tout cas ce qu'est la vérité qu'il avait l'intention de transmettre. C'est-à-dire qu'il choisit à ce moment-là une vie d'errance, dans les deux sens du terme, métaphorique et réel. Absolument, voilà. Il faut effectivement accepter une forme d'errance, c'est-à-dire d'instabilité, c'est presque une façon de se déstabiliser soi-même pour accéder à quelque chose qui sera justement son sol ferme. On voit bien que c'est vraiment la démarche philosophique par excellence. Je veux dire, par exemple, la démarche cartésienne. Hein, on doute radicalement de tout pour trouver la vérité. Ben, Bouddha, qu'est-ce qu'il fait ? Il erre lamentablement parmi tous ces bhikshus, comme s'il n'était plus qu'un moine mendiant, jusqu'au moment où il trouvera sa vérité ferme. Oui, parce qu'au moment où il quitte le palais, il n'a aucune vérité, il ne sait pas ce qu'il cherche en réalité. Il ne sait rien. Il va vers l'inconnu. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a tourné le dos définitivement à cette vie-là et qu'il ne reviendra plus jamais en arrière. Donc il y a quelque chose d'irréversible en même temps qu'il se met en marche. Puisque la première chose qu'il fait, après être sorti du palais, c'est de se couper les cheveux, hein, et donc de devenir un mendiant parmi les mendiants. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, au fond, on voit bien que cette culture, au fond, du nomadisme, elle est plus ou moins quand même... en danger, hein, globalement sur Terre, et que ce qu'on appelle les mendiants n'ont pas véritablement, je dirais, bonne presse. On les assimile à des SDF, bah, c'est rarement des clochards. Un choix. Voilà, c'est rarement un choix. Oui. La grande différence, c'est qu'à cette époque, ça correspondait vraiment à... Parce que Jaspers, je reviens à ce que je disais au début, appelle la période axiale, c'est-à-dire ce moment où on sort du religieux, où on est en quête de quelque chose d'autre que ce qu'offrait la religion ancienne de l'Inde. Parce que tous ces moines errants sont en quête de ce qu'ils appellent la libération. Ils veulent se libérer. De quoi ? Ils veulent se libérer du monde des renaissances, hein, ce que le bouddhisme appellera le monde des renaissances, c'est-à-dire cette idée que l'être humain ferait partie de tous ces êtres vivants qui sont destinés à renaître sans fin. Donc c'est l'image d'une roue qui tourne éternellement, mais là c'est une roue associée à la souffrance, à la douleur, à la misère, et contre laquelle le bouddhisme et le Bouddha va mettre en place une autre roue qui sera la roue de la doctrine, la roue de la loi. Et donc pour se libérer de la réincarnation, pourquoi est-ce que le statut de vagabond ou d'errant serait le plus approprié ? Parce qu'il faut d'abord se libérer de tout cet enseignement qui était entre les mains des brahmanes. Parce qu'il faut bien voir que le bouddhisme aussi se définit par opposition aux brahmanes. Il y a ce contexte social et politique qui est très important. Les brahmanes sont à la tête de la société indienne de cette époque. Or, c'est la caste supérieure. C'est la classe supérieure. Hein, et aucune ne peut être supérieure à elle. Au contraire, le Bouddha, comme son contemporain qui a fondé le jainisme, qui s'appelle Mahavira, tous les deux sont issus de la caste des guerriers. Et ça, c'est pas anodin, parce que ça veut dire que les guerriers se définissent par opposition aux brahmanes comme des gens qui sont liés à l'action. Qu'est-ce qu'on demande à un guerrier ? C'est d'agir. Or, qu'est-ce que fait le Bouddha ? Qu'est-ce que fait le Mahavira ? Ce sont des hommes d'action. Ils veulent soigner la misère humaine. Ils veulent mettre un terme à la misère. Alors que les brahmanes sont dans la spéculation, dans la métaphysique, dans la contemplation. Rien de plus étranger au bouddhisme. Et au Bouddha, il le dit lui-même dans ses sermons, « Je ne suis pas un philosophe au sens de spéculateur, au sens de métaphysicien. Je suis comme un médecin de l'âme. » Là, il y aurait des rapprochements à faire avec Socrate, par exemple. « Je suis un médecin de l'âme. Je suis là pour soigner la misère humaine. » Mais soigner la misère humaine implique de renoncer à l'existence. Parce que si le bouddhisme apporte une autre voie pour se libérer du cycle des réincarnations, c'est une forme de rébellion contre l'ordre établi. Cette voie-ci est une manière aussi de renoncer à cette existence-là. C'est pas un soin. C'est bien sûr, on ne souffre plus une fois qu'on est mort, mais c'est à titre individuel. Comment faire en sorte que le cycle même des réincarnations cesse ? Ça, c'est ce qu'il va essayer de comprendre. Enfin, c'est ce qu'il va comprendre au moment de la nuit de l'illumination où il deviendra le Bouddha. Parce qu'effectivement, que va-t-il se passer lors de cette célèbre nuit quand il a 35 ans ? Donc c'est une nuit de pleine lune, le mois de Vaishakha, c'est-à-dire qui se situe entre la mi-avril et la mi-mai. Et là, les textes nous disent, et aussi la statuaire le montre, il s'assied donc sous un figuier et il décide de ne pas se relever tant qu'il n'aura pas atteint l'illumination. Donc cette nuit, la nuit indienne à cette époque est toujours divisée en trois veilles. Donc au moment de la première veille, il va voir la roue des renaissances. Justement, il va découvrir que l'être humain fait partie de ces êtres qui sont destinés à souffrir éternellement parce qu'ils sont pris dans cette roue-là. Bon, ça c'est la première veille. À l'occasion de la seconde veille, il va découvrir toutes ses vies antérieures. Hein, c'est ce que l'on prête au Bouddha. Donc, il va comprendre au fond qu'il est, tous les êtres. Il n'est pas seulement lui-même, il est aussi tous les êtres qui ont vécu dans des vies antérieures. Il est les animaux, il est les êtres, il est les femmes, il est les enfants, il est... Bon, tout ce qui vit, tout ce qui est vivant, il l'est dans des vies antérieures. Et au moment de la troisième veille, il va comprendre quelles sont les 12 conditions qui font que l'être humain est pris dans cette chaîne de la misère. Donc il appelle ça la production conditionnée, c'est-à-dire qu'il y a 12 chaînons qui, comme leur nom l'indique, conditionnent la misère humaine. Et à partir du moment où l'on serait capable de comprendre comment ces chaînons se relient l'un à l'autre, on mettrait donc fin à leur conditionnement. Je dirais que c'est très proche, en quelque sorte, dans les démarches, par exemple, sociologiques. C'est-à-dire qu'il suffit de comprendre que le déterminisme est un ensemble de chaînons. La compréhension de ces chaînons fait déjà qu'on n'est plus enchaîné. C'est Spinoza. C'est Bourdieu, d'une certaine manière, quand Bourdieu en parlait. Donc c'est la connaissance qui nous sauve. C'est la connaissance qui nous sauve. Donc il n'est pas philosophe, je disais à l'instant, mais c'est quelqu'un qui est en quête d'une rationalité. Le Bouddha est à la recherche d'une rationalité. Ce qu'il veut, c'est comprendre quelles sont les raisons de la misère humaine. Il ne se contente pas de voir que nous sommes enchaînés comme tous les êtres vivants. Non, il veut trouver les raisons. Et quand il les découvre, au moment de la nuit de l'illumination, à l'occasion de la troisième veille, il devient le Bouddha, c'est-à-dire il devient l'éveillé. C'est-à-dire qu'il a compris tout ce qu'il pouvait comprendre. il ne comprendra jamais rien de plus. Et ça lui suffit pour ensuite commencer sa vie de prêche et sa vie donc d'enseignant. Mais lui-même finira par mourir. En quoi est-ce que la compréhension permet de briser ce cycle-là ? Il comprend précisément que tout ce qui est composé est périssable. Or, le corps est composé, donc le corps est périssable. Mais il comprend qu'au-delà de ça, il y a probablement donc de l'incomposé. C'est précisément le nirvana qui est au-delà du composé. Alors là, évidemment, ça nous amènerait à parler de choses qui sont peut-être plus abstraites et plus, je dirais, métaphysiques. C'est l'idée que, à un certain niveau, comme le diront certains philosophes du bouddhisme, la roue des renaissances est exactement identique à la roue au nirvana. C'est-à-dire que plus on comprend à quel point on est enchaîné, plus on comprend qu'en réalité on n'est pas enchaîné puisque il n'y a plus de chaîne. Parce que pour qu'il y ait de l'enchaînement, il faut encore croire à l'existence des choses. Mais précisément, le Bouddha va aussi comprendre que les choses n'existent pas, qu'au fond tout ça est une production de notre esprit. Et que les choses n'existant pas, au fond, nous ne sommes pas enchaînés. Oui, donc c'est un combat contre une forme de superstition. C'est la compréhension qui, en faisant prendre conscience de l'absurdité de la croyance en la réincarnation, libérerait de la souffrance, on se libère d'une illusion. On se libère d'une illusion, mais une illusion qui est tellement ancrée dans notre mental qu'il faut donc aussi se libérer de notre mental. D'où toute l'importance de la méditation, par exemple, dans le bouddhisme. Mais tout est affaire de représentation, de toute façon. On se représente que nous allons nous réincarner, mais comme il n'y a évidemment aucune preuve matérielle, ça n'est qu'une, mais c'est déjà énorme, hein, mais c'est une manière de composer, faire évoluer ses propres représentations de la vie. Voilà, tout est affaire de ce qu'il appelle des constructions mentales, hein, des sankalpas. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas s'empêcher de construire des représentations. Et c'est à partir de ces constructions qu'il se met à souffrir. Donc si on arrête de construire, la souffrance devrait s'arrêter d'elle-même. C'est un encouragement à philosopher. On peut le dire comme ça aujourd'hui, en tout cas. Absolument. D'ailleurs, il y a plusieurs vérités qui vont être énoncées par le Bouddha. Vous avez dit comment ces illuminations lui ont permis de peut-être de tracer la voie à suivre vers l'éveil. Il y a quelques vérités auxquelles lui-même va arriver, dont il va essayer de partager le contenu avec ceux qu'il choisira comme disciples. On va retrouver Bouddha, cette fois-ci à Bénarès. Alors racontez-nous comment il arrive à Bénarès. Alors, c'est-à-dire qu'après la nuit de son illumination, il va partir, donc il a compris que sa vie se résumerait maintenant donc à enseigner son message, le message donc qu'il a compris, et il va se retrouver donc à Sarnath, à quelques kilomètres de Bénarès, où il va retrouver 5 disciples qu'il avait déjà suivis, donc il avait suivi à l'occasion donc de ses pérégrinations chez les renonçants mendiants, et c'est là qu'il va faire effectivement son premier sermon, et comme disent les textes, c'est là où il va mettre en branle la roue de la loi. Oui, parce qu'il avait essayé de transmettre sa connaissance à quelqu'un qui avait été vraiment pas très réceptif à son discours. Donc il va retrouver les 5 disciples qui, eux, semblaient prêts pour essayer de transmettre ce serment-là. Voilà, absolument. Et il va là parce qu'il sait très bien qu'à Sarnath, il y a déjà un grand nombre d'ascètes qui y vivent en permanence et qui ont installé donc des confréries et des communautés ascétiques. Alors, écoutons le contenu de ce discours. Il s'adresse ici aux moines, hein, du groupe des 5, et puis on les commentera ensuite. Soyez attentifs, même si elles ne sont pas listées de manière très claire. On entend 4 vérités. À vous de les trouver, on les commentera ensuite. Ô moines, 2 extrêmes ne doivent pas être fréquentés par le religieux errant. Celui qui s'adonne et s'attache au désir et au plaisir des sens. Vil, rustre, vulgaire, non-saint, voué au malheur. Et celui qui s'adonne à l'épuisement de lui-même, pénible, non saint, voué au malheur. Ô moine, également distant de ces 2 extrêmes, le chemin du milieu, parfaitement compris par le Tathagata, créant l'œil, créant la connaissance, conduit à l'apaisement, à la connaissance surnaturelle, à l'éveil, à l'extinction, le nirvana. Et quel est au moine ce chemin du milieu qui conduit à l'extinction ? C'est la sainte voie, à savoir l'opinion correcte, la parole correcte, les moyens d'existence corrects, l'effort correct, l'attention, la concentration correcte. Alors, dès que la roue de la loi eut été mise en mouvement par le bienheureux, les dieux terrestres proclamèrent: la roue de la loi a été mise en mouvement par le Bienheureux à Bénarès, dans le parc des Gazelles. Pas un religieux, ni un brahmane, ni un dieu, ni un mara, ni un brahma, ni personne en ce monde ne peut la faire tourner en arrière. Ayant entendu la proclamation des dieux terrestres, les dieux des quatre grands rois la répétèrent. Alors, à cet instant, la proclamation s'éleva jusque dans le monde de Brahma. 10 000 mondes tremblèrent, furent secoués violemment. Et une lumière immense et sublime apparut dans l'univers, dépassant la puissance divine des dieux. Et la lumière fut. Alors, là aussi, le texte a quelque chose à la fois de religieux, de très narratif, de très imagé et de très concret. En fait, Marc Balanfa, si on fait la liste des quatre vérités qu'on aura peut-être pu entendre, c'est d'abord reconnaître la souffrance, qui est indubitable, dont on fait l'expérience quotidiennement. Ensuite, trouver l'origine de cette souffrance, peut-être parvenir à l'extinction de la souffrance, ce serait le nirvana. Et ensuite, ce qui s'appelle ici la roue de la loi, qui est en fait, on l'appelle aussi l'octuple sentier. Voilà, l'octuple c'est ici, ça. C'est 8, c'est pas 7. Hein. C'est ça. Vous disiez le 7 est important, mais là, donc c'est... Là, c'est 8. C'est 8, c'est exact. Ça. L'opinion correcte, la parole correcte, les moyens d'existence corrects, l'effort correct, l'attention, la concentration correcte, etc. Oui, exactement. Les quatre vérités, évidemment, c'est le premier sermon de Bénarès. On peut dire que, pour certains philosophes du bouddhisme, tout le contenu du bouddhisme est contenu dans ces, effectivement, se retrouve dans ces quatre vérités, parce que il y a d'abord un premier contresens qu'on pourrait éviter, c'est celui que l'on faisait souvent au XIXe siècle en disant le bouddhisme est un pessimisme parce que voilà la première vérité c'est tout est douleur, tout est souffrance, hein, sarvam dukkham. En réalité, il faut bien voir que c'est pas une complaisance dans la souffrance ou dans la douleur. C'est bien l'idée que l'être humain souffre et que si on veut admettre qu'on veut le guérir, puisque le Bouddha se présente comme un médecin, si je veux guérir quelqu'un, il faut donc admettre que cette personne est malade, ou en tout cas qu'elle souffre et qu'elle a besoin de moi. Donc l'idée de la douleur, c'est l'idée que les êtres humains, globalement, dans leur vie, à quelques exceptions près, ont beaucoup plus de raisons de vouloir se libérer que de vouloir se contenter de leur vie. Parce que derrière cette idée que tout est douleur, il y a l'idée que donc il faut donc se libérer, puisque tout est douleur. Donc ça justifie encore plus l'idée d'une libération. Si l'on partait de l'idée que la vie est bonne, que la vie mérite d'être vécue, on pourrait effectivement se demander, mais alors de quoi faut-il se libérer? On n'a pas besoin de se libérer puisque tout donc, va bien. Il n'y aurait ni religion, ni philosophie. Exactement. Ni art, ni... Exactement. Rien. Donc le pessimisme, je dirais que c'est un pessimisme presque méthodologique ou heuristique, plutôt qu'un pessimisme dogmatique. Hein, c'est-à-dire qu'il faut partir du principe que si l'homme doit se libérer, il doit se libérer de quoi? De la bêtise, des préjugés, de l'ignorance. C'est tout ce que le Bouddha appelle dukkha. Dukkha, en fait, c'est un mot sanskrit qui s'appliquait à la roue qui tourne. Là aussi, on trouve l'emblème de la roue. Dukkha, ça veut dire une roue qui tourne difficilement. Donc dukkha, ça veut dire littéralement qui tourne mal. Alors finalement, qu'est-ce qui tourne mal? Il y a beaucoup de choses dans la vie qui tournent mal. Hein, et je peux avoir... un rendez-vous qui tourne mal, je peux avoir un livre qui tourne mal, je peux avoir une rage de dents qui tourne mal. Enfin bon, donc on voit bien l'idée qu'on peut l'arranger, qu'on peut l'améliorer. Donc arriver au sukha, c'est-à-dire quelque chose qui tourne bien. D'où l'idée de faire tourner la roue de la loi, parce que la roue de la loi, elle ne peut que bien tourner. Dans quelle loi s'agit-il, la roue de la loi ? La roue de la loi, parce que la roue, c'est déjà le symbole dans l'Inde de cette époque du monarque. Donc on voit bien comment le Bouddha veut en fait s'emparer des symboles du monarque, de la souveraineté, pour se les approprier et en faire les symboles du mouvement qu'il lance. Comme on a vu tout à l'heure avec l'éléphant blanc, qui au départ est l'emblème du monarque et qui va devenir donc, je dirais, l'incarnation donc du Bouddha. De la même, ici, il prend le symbole de la roue pour en faire le symbole de sa doctrine. Donc il emprunte à la souveraineté, à la royauté, pour créer son propre mouvement et pour montrer donc qu'il est au-dessus de la royauté. Donc il y a la volonté de fonder peut-être pas une école, mais en tout cas un lieu où ce savoir-là sera transmis. Et donc, tous les vocables nécessaires pour pouvoir s'adresser au plus de monde possible. Il y a du prosélytisme derrière. Ah bah oui, parce que à partir du moment donc où il arrive à Bénarès, il va donc, on peut dire que les trois piliers du bouddhisme sont établis, c'est-à-dire la doctrine, dharma, le Bouddha, donc il est devenu le Bouddha, c'est le deuxième pilier, et le troisième pilier c'est le sangha, c'est la communauté. Hein, ce sont ce qu'on appelle les trois joyaux de la doctrine du bouddhisme. Donc une fois que ces trois joyaux sont mis en place, effectivement, il n'y a plus rien d'autre à faire. Et le Bouddha, toute sa vie, donc va aller de ville en ville pour prêcher la doctrine, pour constituer des communautés qui accueillent aussi bien donc des femmes, parce qu'il y a des communautés de nonnes et des communautés de moines, donc ça c'est le sangha, et pour convertir au bouddhisme le plus de gens possible. Effectivement, il y a bien une forme de prosélytisme. Et comment vit-il ou compose-t-il avec le conflit, peut-être s'en est un, entre la tâche qu'il se donne, voire même la fonction, dans un sens quasiment social, et sa propre vie, parce qu'il va retrouver ensuite son père, et il va retrouver, parce qu'il a quand même quitté aussi une femme et un enfant. Oui, il va les retrouver quelques années après, effectivement, il revient à Kapilavastu, donc à sa ville de naissance, et là, puisqu'il n'est plus le même, puisqu'il est devenu le Bouddha, il va évidemment s'empresser de leur enseigner les quatre nobles vérités, parce que c'est en général c'est toujours ce qu'ils commencent par faire. Et évidemment, nous disent les textes, mais là on se doute bien qu'il y a un côté très hagiographique, toute sa famille va s'empresser de prendre refuge, c'est la formule consacrée, prendre refuge dans le Bouddha, dans la doctrine et dans la communauté. Et même son fils, donc Rahula, va devenir un de ses disciples les plus fervents. Sait-on comment sa parole est reçue à l'époque? À l'époque, on sent bien... Là, je parle bien... du Bouddha historique. Voilà. Ouais. Là, il faut revenir à l'histoire. Il est clair que les brahmanes vont voir d'un très très mauvais œil quand même ce développement incroyable du bouddhisme. Parce qu'il y a beaucoup de brahmanes qui vont se convertir et qui vont devenir donc des moines. Et ce sont en général, évidemment, les moines les plus instruits qui sont d'anciens brahmanes, ce qui est assez normal. Et on sait bien que, je l'avais évoqué en traduisant la Bhagavad Gita, l'immense épopée du Mahabharata va être composée par les brahmanes pour riposter au bouddhisme. C'est ce que dit Madeleine Biardot. Hein, je crois qu'elle, par rapport à ça, elle a parfaitement raison. Ils sentent tellement la menace qu'ils décident de composer une espèce de machine de guerre extraordinaire qui s'appelle le Mahabharata pour mettre fin au bouddhisme. En tout cas, pour mettre fin à la diffusion du bouddhisme en Inde. Donc c'est une guerre qui se fait entre les textes. Qui se fait effectivement par les textes et par la composition orale. Parce que là, on est toujours dans une composition orale, mm-hmm, au IIIe siècle avant notre ère. Mm-hmm. Dans la mesure où le canon Pali, ce qu'on appelle les plus anciens textes du bouddhisme, vont être mis par écrit pas avant le 1er siècle avant notre ère. Donc à l'époque du Mahabharata, on est toujours dans l'oralité. Et donc ça, on est encore en Inde dans ce que vous dites. Et après, le bouddhisme se diffuse au pays. Alors après, effectivement, le bouddhisme va se diffuser bien plus tard, hein, à partir du 5e, 6e siècle, en Chine, au Tibet. Et ensuite, il va passer donc de la Chine au Japon. Ça, c'est par le grand véhicule. Et donc, dès le 1er siècle avant notre ère... Donc, le grand véhicule, le bouddhisme... c'est la version plus moderne du bouddhisme. Le grand véhicule, sinon, c'est pas une version moderne. C'est l'idée que la grande différence entre le grand véhicule et le petit véhicule, c'est que le grand véhicule dit le Bouddha, c'est un ancien bodhisattva, il fait partie de la lignée des bodhisattvas, mmh, c'est-à-dire, le mot signifie, dont l'existence est consacrée à l'éveil, bodhisattva. Et le grand véhicule dit que le bodhisattva ne veut pas se libérer s'il ne libère pas avec lui tous les êtres vivants. C'est-à-dire qu'il diffère son illumination pour que tous les êtres soient libérés en même temps que lui. D'où l'idée de la compassion, qui est très importante dans le grand véhicule. Alors que dans le petit véhicule, on est beaucoup plus sur l'idée d'une voie individuelle que suivent des moines pour atteindre par eux-mêmes la libération, sans se soucier des autres. Ça, c'est la différence entre petit véhicule et grand véhicule. Et le petit véhicule va s'installer à Sri Lanka dès le 1er siècle avant notre ère. Et c'est là où effectivement, je dirais, les plus anciens sermons du Bouddha vont être mis par écrit, assez lent. Bouddha, pour en terminer avec sa vie qui résonne encore aujourd'hui, Bouddha vit jusqu'à ses 80 ans, est-il oui. dit. Ce qui est très très vieux pour l'époque. C'est ce que disent les textes, effectivement, oui. On est presque surpris de le voir s'éteindre en réalité. C'est là où son statut est intéressant, c'est que son corps reste un corps de mortel, un peu moins mortel que nous parce qu'il vit plus longtemps que les autres, mais quand même. Alors, par rapport à cela, il y a des divergences dans les textes. Par exemple, dans le Lalita Vistara, qui est le texte donc du canon Pali le plus ancien, il est dit dans un chapitre qu'il aurait eu l'idée, en tout cas peut-être qu'un démon, Mara, toujours le fameux démon Mara, qui est c'est le tentateur en quelque sorte hein, dans le bouddhisme, le tentateur lui aurait instillé l'idée qu'il pourrait ne pas mourir. Et en fait, Bouddha comprend en fait que c'est l'ultime ruse du tentateur, parce que ne pas mourir, ça serait au fond reconnaître qu'il n'est pas un être vivant et qu'il n'est pas un être humain comme les autres, qu'il n'est pas un mortel. Or, il refuse évidemment cette ultime tentation et comprend qu'il doit mourir pour bien montrer qu'effectivement, qu'il appartient à la Terre. Ce que le Bouddha nous transmet, nous lègue à ceux qui peuvent aujourd'hui étudier ces textes, c'est cette manière d'accepter sa propre finitude et au sein de cette finitude d'accéder à un maximum de compréhension pour souffrir le moins possible des illusions qui nous entravent. Exactement. C'est le message universel du bouddhisme. C'est-à-dire que il faut bien voir aussi ce qui sépare le bouddhisme des brahmanes à cette époque. Les brahmanes n'enseignent que pour des brahmanes. Donc, dans le message des brahmanes à cette époque, il n'y a pas de recherche d'universalité, puisqu'ils parlent à partir de la classe supérieure dont ils sont originaires et pour cette classe. Alors que le bouddhisme, qui, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais refuse cette société de caste et considère que n'importe qui peut entrer dans le sangha. Oui, vous l'avez dit, l'aspect révolutionnaire, enfin de rébellion du bouddhisme contre les castes. Absolument. Donc le bouddhisme, lui, va effectivement porter un message universel qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, quelle que soit leur classe sociale. Il n'y a pas de distinction entre l'homme et la femme dans les textes bouddhiques. Si, il ne faut pas non plus faire d'anachronisme. Les nonnes, au départ, ne sont pas bien traitées. Elles sont même traitées quelquefois un peu durement par rapport aux moines. Et il faudra sans doute attendre quelques siècles avant que certains disciples s'émeuvent quand même du sort qui est consacré aux nonnes, qui est peut-être un peu similaire au sort qui est consacré aux religieuses, par exemple, dans le catholicisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui nous reste aujourd'hui du bouddhisme, la manière qu'il a d'être étudié et transmis, est fidèle à ses premiers textes, où il y a des évolutions permanentes au sein même de la doctrine bouddhiste. Je crois qu'il y a quand même des piliers, par exemple. Cette idée que tout est impermanence, hein, sarvam anityam, cette idée, elle est reprise par tous les philosophes du bouddhisme, parce qu'elle, effectivement, elle est centrale, parce que ça signifie pour eux que la permanence n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de permanence. Donc il n'y a pas non plus de noyau permanent en l'être humain. Et là, il se différencie complètement des brahmanes et aussi bien des jainistes. C'est l'idée aussi donc que tout est discontinu. On est dans une vision impermanente du monde, discontinue du monde, instantanéiste du monde, nominaliste. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de substantialité des choses. On est dans un phénoménisme absolument total. Et c'est à partir de cette idée que ce qu'on appellera la vacuité plus tard, hein, que les choses n'ont pas de substance, que le message du Bouddha va effectivement se diffuser aussi facilement. Parce qu'au fond, il ne demande pas à croire à des choses. Il demande au contraire de nous défaire de notre tentation de croire à. Il n'y a rien à croire. Il faut simplement essayer de comprendre par soi-même ce qui lie les chaînons de la condition humaine. Et une fois qu'on a compris ce qui lie les chaînons de la condition humaine, on doit éprouver quelque chose qu'il appelle la libération. Mais la notion même d'éveil n'implique pas un accès à une forme de permanence, à une transcendance qui se serait détachée des conditions qui nous composent et qui permettrait d'atteindre un autre niveau de la réalité. L'idée d'éveil, c'est l'idée qu'il a compris tout ce qu'il pouvait comprendre. Ce qui laisse entendre que le prochain Bouddha, le Maitreya Bouddha, le Bouddha du futur, pourra peut-être comprendre un peu plus que ce que pouvait comprendre le Bouddha Gautama. Donc l'idée n'est pas d'accéder à l'éternité, au contraire, c'est de rompre le cycle des réincarnations. Absolument. Il faut absolument rompre le cycle des réincarnations et rompre aussi toute idée de permanence, de substantialité, d'essentialité. Il n'y a rien de plus non-essentialiste que la philosophie du bouddhisme. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs peuvent s'inspirer du bouddhisme dans leur combat contre tout essentialisme, aussi bien dans les cultural studies que dans les camps politiques. On n'est rien. D'ailleurs, on ne devrait même pas utiliser le verbe être pour un bouddhiste. On est toujours dans un devenir. On devient quelque chose et après on devient quelque chose d'autre. Mais on ne peut pas être quoi que ce soit. Vous voyez, c'est totalement impossible dans le bouddhisme. Cette émission d'ailleurs n'est pas, elle devient et elle devient, elle atteint sa fin. Merci beaucoup Marc Balanfa, merci d'être venu nous parler de la biographie de Bouddha aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je renvoie à votre livre Bouddha Autobiographie au pluriel qu'on trouve aux éditions Berg International. Et vous avez aussi traduit plusieurs textes que je citais en début d'émission, et notamment vous avez cité la Bhagavad Gita, votre édition aux éditions Flammarion, qui était disponible en 2017, on les mettra en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Merci et bon voyage vers l'éphémère. Have compassion for everyone you meet, even if they don't want it. What seems conceit is always a sign, always a sign, always a sign. For those you encounter, have compassion, even if they don't want it. What seems bad manners is always a sign, always a sign, always a sign. Always a sign of things no ears have heard, always a sign of things no eyes have seen. You do not know what wars are going on down there where the spirit meets the bone, down there where the spirit meets the bone, down where the spirit meets the bone. For everyone you listen to, have compassion, even if they don't want it. What seems cynicism is always a sign, always a sign, always a sign. Always a sign of things no ears have heard, always a sign of things no eyes have seen. You do not know what wars are going on down there where the spirit meets the bone, down there where the spirit meets the bone, down where the spirit meets the bone, down there where the spirit meets the bone, down there where the spirit meets the bone, down where the spirit meets the bone. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une biographie qui est au programme. Et pas n'importe laquelle après la vie de Bouddha, celle d'un philosophe incontournable, Platon, que nous proposent les éditions Folio avec cet ouvrage de Bernard Fauconnier. Si l'on peut avoir une idée, même vague, de sa philosophie et de son œuvre, Le Banquet, La République, Les Lois et je passe ses autres dialogues socratiques, qui était-il, lui? À quoi ressemblait-il? Quel genre de personne était-il? Comment a-t-il découvert la philosophie? Et comment en a-t-il fait le sens de sa vie? Sais-tu, à propos des discours, quelle est la manière de faire ou de parler qui est la plus agréable aux yeux? Pas du tout. Et toi? Je puis te rapporter une tradition des anciens. Les anciens connaissent la vérité. Et si nous pouvions la trouver par nous-mêmes, est-ce que nous nous préoccuperions encore des opinions des hommes? Plaisante question. Il faut reconnaître que proposer une biographie de Platon semble presque mission impossible. Alors d'abord parce que l'on dispose de très peu d'informations sur le philosophe. Une de ses lettres, la lettre 7 précisément, est bien autobiographique. Un chapitre des vies et doctrines des philosophes de Diogène Laërce lui est bien consacré. Et bien sûr, il y a ces textes où l'on peut tenter de déceler quelques bribes de sa vie, mais c'est peu de choses ou trop si l'on considère le nombre de sujets qu'il a traités, l'amour, le beau, la justice ou l'âme. Ensuite, parce que l'évocation de son nom semble plus relever du mythe. Platon serait ce vieux personnage antique qui aurait côtoyé les dieux et leurs histoires plus qu'un philosophe grec ayant vraiment existé. Et enfin, parce que Platon se confond avec son propre maître, Socrate. Je me souviens ainsi, en classe de terminale, être ressorti d'une maison de la presse les mains vides après avoir cherché en vain un livre écrit par Socrate, alors qu'évidemment, tout était rangé à la lettre P comme Platon. Manque de sources, fantasmes, confusion avec Socrate, voilà donc autant de raisons pour rendre l'exercice biographique du philosophe périlleux. C'est pourtant le pari que relève Bernard Fauconnier avec cet ouvrage. Entre le peu d'informations et le risque de trop romancer, celui-ci prend le parti de faire un portrait à partir des textes de Platon, à partir de ses lectures et commentaires, mais surtout à partir de sa manière d'exposer les plus grands concepts philosophiques en écho avec son époque. C'est là la grande originalité de cette biographie. Elle nous propose moins de rendre compte de la vie de Platon que de le rendre vivant. Car il faut le dire, si Platon est beaucoup lu, quand on s'intéresse en tout cas à la philosophie, il évoque paradoxalement un monde ancien, disparu, alors même que ses écrits sont habités par une rencontre et hantés par toute une époque. Je crie la paix ! Vivement la paix ! La ville, je l'ai en horreur. Ah, qu'il était beau mon village ! On y trouvait tout à gogo, on ne savait pas ce que voulait dire ce mot qu'on entend aujourd'hui à longueur de journée. Achète ! Achète du charbon, achète de l'huile, achète du vinaigre, achète, achète ! La terre ne produit plus rien. Il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de troc. C'est la guerre. Ah oui, mais aussi cette fois je suis venu à l'Assemblée bien décidé à gueuler, à interrompre, à attaquer tout orateur qui parlera d'autre chose que de la paix. Tiens, attention, voilà du monde. En tête le président et les membres du bureau. Qu'est-ce que je vous disais ? Ah, regardez-moi ça ! Il se marche sur les pieds ! Deux événements ont marqué Platon, la guerre du Péloponnèse et sa rencontre avec Socrate. Comme l'explique Bernard Fauconnier, l'œuvre de Platon est née de cette double blessure, la mort de Socrate et la situation de sa cité, Athènes, vaincue par Sparte, soumise à un gouvernement inique et dont les malheurs, selon lui, trouvent leur source dans une pratique déraisonnable et illusoire de la démocratie. Quant à Socrate, c'est à 20 ans que Platon, enfant de l'aristocratie athénienne, sophiste, grand sportif, on apprend qu'il était d'une constitution exceptionnelle, rêvant d'une grande carrière au théâtre, le rencontre chez son oncle. Mi-génie, mi-clochard, cette figure emblématique d'Athènes meurt 10 ans plus tard, condamnée. Platon rompt alors définitivement avec son milieu et son destin pour se consacrer à la recherche de la vérité et de la justice et à l'écriture. C'est ainsi que prend vie sous nos yeux Platon et que se dessine un portrait incarné de lui, celui d'un écrivain avant tout d'un philosophe dramaturge qui a choisi de poursuivre l'œuvre socratique en l'écrivant, en la racontant, en la mettant en scène. On parle trop peu de l'écriture des philosophes, de la difficulté ou de la beauté de leur style, de la puissance de leur démonstration, c'est ici le contraire, car quelle idée de génie, d'écrivain génial que d'avoir choisi le dialogue pour rendre percutant, tragique ou comique des concepts désormais classiques de philosophie. Merci Géraldine, donc vous nous recommandez la lecture d'un livre. Donc ce livre, c'est Platon par Bernard Fauconnier et c'est paru aux éditions Folio. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette émission, Emmanuel Morzinkan qui est à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes cette semaine. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le bouddhisme. Demain, nous serons en compagnie du bouddhiste Éric Romeluer avec qui nous parlerons de la tradition zen et à qui je poserai une question, mais pourquoi méditer ? D'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où l'équipe des chemins de la philosophie sera ravie de vous répondre si vous leur écrivez, évidemment. On se retrouve demain à 10h précise, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.